J'ai trop arrive dans le désert. Il observe la fatigue du chef. Un homme seul portant tout jusqu'à l'épuisement de son souffle bref. Il parle de partager d'équipe, de délégation et de sagesse. Car même l'appel le plus sacré peut s'éteindre sans structure et sans adresse. La sagesse protège ce que l'on appelle. Tu nous apprends à ne pas porter seul ce que tu voulais partager. Car même la force d'un serviteur a besoin soutenu pour durer. Tu nous apprends à ne pas porter seul le poids de la responsabilité. Car ton œuvre avance mieux encore quand l'unité devient une réalité.